Grands Heures d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe Boisbriand est là aussi avec son chapeau et la mise en onde et le choix musical. Aujourd'hui, une émission avec deux blocs folk. Oui, pour commencer, on est un peu dans le folk. Et ensuite, on a un bloc qui est autre chose. Mais qui se termine quand même avec le groupe Schlampetzeger. Aussi, qui nous font Damenbart Blick of Pregnant Hill. Et voilà, maintenant que je l'ai dit, je pourrais le redire à la fin. As autumn comes, I stay behind and gather sounds. She leaps for me, she sings, be gentle, be kind. This is not always easy, but if a man should ask for more, don't be afraid to give. And when he dares not ask at all, then offer what you have. She shows me pine and cedar tree, magnolia, yew and tamarisk. The evergreen is ever free. I hear her, I remember this. I shuffle with October leaves and worn out wings of butterflies, through water whispers, rocking weeds. I sing her autumn lullaby. Softly in the winter time, softly when we're by the dime, softly in my heart of mine I talk to you. Has anybody of you two got half a mind to go to the zoo tonight? Won't you think we had fun, my daughter, my son? My daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, one by one. My daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, one by one. Softly in the winter time, softly when it goes towards nine, softly in my heart of mine I talk to you. Go feed the dog and kitten, then go to bed and have your ride and dream. Now be well off and start with the sun. My daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, one by. My daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, one by one. Softly in the winter time, softly when day's gonna shine, softly in my heart of mine I talk to you about my actual favorite matter. It's how to live and laugh and feel better. I cut the bread for them and they run. My daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son. Off and away they set out for living. Love them if ever they come, wherever they're gone. My daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, one by one. My daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, my daughter, my son, one by one. Softly. I'm coming down for you to where you've fallen to. I'm coming down for you as you always knew I would. No one taught you to pull in close when danger was near, all your tender parts exposed out there in the clear. But when you come down hard, as you always do, I'm saving a part of me just to come down for you. I'm coming down for you to where you fall into. I'm coming down as you always knew I would. On the plains where the burn plays dawn, sky the locust and the oak, all the flowers and the birds sing on, the ashes and the smoke. Scorched lungs, you call to me. Sound the echo straight through, up the canyons and the valleys. I'll call back to you. I'm coming down for you to where you fall. I'm coming down for you as you always knew I would. Thank you. what's become of the serving man? We lost him where we have been hunting. We lost him where he'll never be found. She went to bed crying and lamenting and weeping for her own true love. And as she slept, she dreamed that she saw him all covered over with gore and blood. She early rose the very next morning. She searched the woods and the country round, and there she found her own dead jewel in the Bramble Briar, where his body lay thrown. 3 days and nights she did stay by him. She's kissed his eyes that could not see, and to keep him from the heat of the sunshine, she's covered him with green leaves from off the tree. 3 days and nights she did stay by him. She thought her heart would break with woe till a cruel hunger came upon her, and in despair to her home she did go. Sister, sister, why do you whisper? And won't you tell us where you've been? Stand off, stand off, you bloody butchers. My love and I, you took my bright Nancy to be my Before 12 weeks was over and past, this pretty young Nancy, she grew sick at last. Her dress wouldn't pin nor her apron strings tie, and she longed for the sight of young Ça commençait comme ça cette semaine, avec beaucoup de jolies choses, dont Itasca, qui nous faisait Just for Tomorrow sur un album qui s'appelle Open to Chance de 2016. Une dame qui s'appelle Kayla Cohen et qui joue de la guitare et qui chante bien. Elle chante bien. Elle vient de New York et elle vit maintenant à Los Angeles. Puis elle enregistrait chez elle, tout simplement comme ça. Puis elle aime ce son doux. Et nous aussi. Bridget St. John faisait Autumn Lullaby sur Ask Me No Questions de 1969. Une autre dame qui a abandonné un jour la musique en 76 parce qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas assez de succès, finalement, penser à faire tout simplement autre chose et réparer avec un album en 96, comme ça, puis elle a inventé une façon très personnelle de jouer de la guitare aussi avec des accords qu'elle trouvait à l'oreille, comme ça, puis il y a des gens qui comparent sa voix à celle de Nico, et oui, dans ce cas-ci, on peut dire que oui, c'est bien vrai. Sybille Bayer nous faisait Softly sur Color Green de 2006 et elle, c'est assez drôle, elle a fait un truc en 70, elle a enregistré 14 chansons et son fils, pour lui faire un cadeau, les a mis sur un CD. Finalement, ça a été diffusé par un petit éditeur américain, Orange Twin Records. Puis c'est assez drôle de dire, elle apparaît dans un film de Wim Wenders, Alice dans les villes. Elle fait une petite apparition là-dedans. Puis elle vit toujours dans le Massachusetts, semble-t-il. Joanne Shelley nous faisait Coming Down For You sur Like the River Loves the Sea de 2019. Là, on est dans le truc plus moderne. Une dame de Louisville au Kentucky qui est âgée de 33 ou 34 ans. On ne sait pas parce qu'on n'a pas sa date de naissance précise. Puis elle aussi fait vraiment de la fort jolie musique. D'ailleurs, vous avez reconnu que c'était un bloc relativement doux. On peut dire ça comme ça. Meg Bird, Ellen Epsval et Sharon Krause, nous faisaient Breton Town sur Leaves from Off the Tree de 2006. La semaine passée, on avait du Esper et toutes sortes de trucs qui étaient reliés à ce groupe-là. Ben, c'est encore ça, cette semaine. Alors, on a Bird Krause qui joue de la guitare acoustique. Et Elena Ebsval qui ajoute son violoncelle qui donne vraiment de la profondeur à leur son. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Et d'ailleurs, finalement, je me rends compte que espère, on en met pas mal. C'est sur tout ce qui est relié à ça. Rumble Away, c'était Shirley et Dolly Collins sur Anthems in Eden de 1969. Shirley Collins, c'est une longue et fructueuse carrière avec sa sœur Dolly aussi. Donc, elle jouait de la guitare et chantait. Guitare du banjo, du dulcimer aussi. Et sa sœur Dolly jouait du petit orgue portatif ou du piano. Et composait aussi et faisait des arrangements. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, elles étaient accompagnées du Early Music Concert. Et c'est Dolly Collins qui avait fait les arrangements pour cette troupe fort célèbre fondée par David Monroe et Christopher Good et James Tyler aussi en 1967. Ils ont été actifs jusqu'en 76 et ont remis au goût du jour la musique médiévale. Ensuite, on s'en va faire encore un petit tour dans le folk. When I was a young man and never been kissed, I got to thinking. said I'd miss him every night and day. Then I began to look around. Wish I could show you what I found. Sweet substitute. Sweet substitute. He tells me that he's mine, all mine. Every time I tell him, you know love is blind. He's got such loving ways. Got my head in a daze. My new recruit is mighty sweet and cute. I'm crazy about my substitute. Such loving ways. Got my head in a daze. My new recruit is mighty sweet and cute. I'm crazy about my substitute. Crazy about my substitute. Riverboat gamblers bound to lose. fancy clothes, and all those fancy clothes. Money comes and the money goes, with the moon and the stars. Sometimes I feel, sometimes I feel, he's not cheese, not, it's not real. It's not real, it's not real, it's not real. He's not cheese, not, it's not real. Bound to lose, bound to lose, bound to lose. Riverboat gamblers bound to lose. Down. buy me a flute and a gun that shoots tailgates and substitutes. Strap yourself to a tree with roots. You ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high. Tomorrow's the day the bride's gonna come. Genghis Khan, he could not keep all his kings supplied with sleep. We'll climb that hill, no matter how steep, when we get up to it. Ooh-wee, ride me high, tomorrow's the day the bride's gonna come. Oh-oh, are we gonna fly down in the easy chair? Voilà, alors on était encore dans le folk avec d'abord Bong Water qui nous faisait Kisses Sweeter Than Wine, la Campbell version, sur un album qui s'appelle The Power of Pussy de 1991, et c'est une pièce qui a été reprise par une tonne de personnes. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, c'était par Marlene Dietrich, puis ça a été écrit en 1950, mais à partir d'une pièce traditionnelle irlandaise, et on parle de Peter Singer au départ, Joel Newman qui aurait écrit le truc, mais effectivement c'est difficile d'accorder vraiment la paternité à qui que ce soit. Tout à fait. I Scared Myself, c'était Danix and the Hotlicks, sur Original Recording de 1969. Danix, on en a mis souvent, né en 41 et mort en 2016. Il aimait beaucoup changer de style, ou mélanger les styles du cowboy, du jazz, country, du swing, du bluegrass, etc., etc. Puis, guitariste fort apprécié par beaucoup, beaucoup de gens. C'est ça, puis il était né à Little Rock. Ça me fait toujours rire à quel point on connaît les noms de villes américaines, des fois, alors que quand on regarde, franchement, on se rend compte que Little Rock, par exemple, ce n'est pas une grosse ville. On demeure dans la petite ville comme ça. Puis pourtant, on connaît ça. Il y a combien d'habitants à Little Rock? 193 000. Voilà. Alors, pas de quoi en faire tout un peu comparé au nombre de villes chinoises de plus de 5 millions d'habitants qu'on ne connaît pas. David Graham nous faisait Angie sur The Guitar Player de 1963. Influence majeure de beaucoup de guitaristes à cause de sa façon, de son picking, et aussi de la façon d'accorder sa guitare, ou est-ce qu'on appelle ça le dad gad. Alors au lieu d'être mi la ré sol si mi, il faisait ré la ré et autre chose. Il a influencé Bird Chance, Paul Simon et même Jimmy Page, semble-t-il. Et je pourrais y revenir à ce fameux Dad Gad. Alors c'est Ré Larry, Sol Larry. Voilà ce que ça donne. C'est une façon effectivement de jouer qui a influencé beaucoup de monde. Il n'était pas le premier à l'utiliser, mais il l'a popularisé quand même passablement. Karen Dalton nous faisait Sweet Substitute sur It's So Hard to Tell Who's Going to Love You the Best de 1969. Elle l'ont qualifié sa voix de ressemblant à Billie Holiday cette fois-là. Un peu. Ça arrive, on aime beaucoup chez beaucoup d'auteurs, de critiques, utiliser des comparaisons. Dans son cas, Karen Dalton, ce qui est vraiment intéressant aussi, ses origines, mi-irlandaise, mi-cherokee aussi. Elle vient de Enid en Oklahoma, puis est morte à Woodstock voilà, mais, en 1993, et non pas pendant le festival. Puis elle jouait du banjo, de la guitare à 12 cordes, d'une façon particulière elle aussi. Beaucoup de gens dans le folk jouaient de la guitare de façon particulière. The Early Model Runners nous faisait Born to Lose avec sur The Early Model Runners de 1964. Beaucoup de monde là-dedans qui ont fait beaucoup de choses. Allez voir sur The Early Model Runners, allez voir des liens avec plein d'autres groupes, dont The Fox aussi. Et vraiment, la voix d'Asiard était celle de Peter Stanfield. Neil Young faisait Tell Me Why sur After the Gold Rush de 1970. Une carrière quand même relativement en dents de scie pour Neil Young, mais depuis quelques années, vraiment, il est revenu franchement à l'avant-scène. Puis je savais pas que c'était un passionné d'automobile. Par contre, il fait faire des modèles hybrides avec la biomasse, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment un grand amateur d'automobile, ce qui est un peu drôle avec maintenant. Je ne sais pas s'il est autant qu'avant. The Byrds nous faisait You Ain't Going Nowhere sur Sweetheart of the Rodeo. The Byrds, ben là, on est vraiment avec dans le grand groupe, mais qui a pas eu tant de succès de ça finalement à ses débuts. À ses débuts, puis il y a évidemment des membres ont eu des assez bonnes carrières, comme David Crosby, qui a été dans Crosby, Stills, Nash & Young. Et j'étais en train de chercher d'ailleurs dans quelle année le championnat mondial de hockey avait avec les quatre joueurs, il y avait Crosby, Nash, Young et Stahl. On était proches, Crosby, Stahl, Nash & Young, mais je vais essayer de retrouver ça pour vous. Et maintenant, on s'en va faire un petit tour de côté de toutes sortes de choses, en commençant par The Meridian Brothers. Thank you. amigo. Aquí no me voy a cansar. Que matar más. Soy un ángel, mírenme. Yo controlo mi poder. Hoy me voy a parrandear. Thank you. what I got is what you need. What you need is what I want. Ben c'est déjà tout pour nous. Alex est là, prêt à faire agression par le son. Qu'est-ce qu'on a eu pour terminer? Canción del Moderno Templario. C'était les Meridian Brothers sur Advenimiento del Castillo Mujer de 2006. Meridian Brothers, ben en fait, on met beaucoup de trucs de Eblis Alvarez, peu importe... Dans quelle formation, ou s'il est tout seul, ou tout ça. Les Meridian Brothers, ça existe depuis 1998, et c'est un des nombreux projets de Eblis Alvarez qu'on met souvent. En fait, il mélange toutes sortes de trucs, les sonorités électroniques avec les rythmes latino-américains. Presque réduire à ça, mais c'est pas juste ça. Il y a encore beaucoup d'autres choses là-dedans. Et c'est vraiment un compositeur extrêmement intéressant. Eblis Alvarez. Seven, c'était une pièce de Essendon Airport sur Palimpsest de 1981. Essendon Airport qui ont existé de 78 à 83 et de 2003 à 2011 avec d'abord David Chesworth et Robert Googe, puis s'est joint à ça quelques musiciens parfois, du nom de l'ancien aéroport de Melbourne, ce qui m'a causé plusieurs problèmes au début quand j'ai essayé de les trouver, puis ils sont devenus comme assez étonnamment de plus en plus connus et de plus en plus faciles à trouver sur Internet. Mais au début, j'avais vraiment travaillé quand même assez fort pour arriver à trouver leur nom. Asmus Chechens nous faisait Tromken am Fenster sur Biotope de 1981. Asmus Chechens, un pionnier de la musique électronique, un autre, qui s'est amusé aussi à utiliser des loops, des synthétiseurs dans les années 60. Lui aussi, c'est fait un duo aussi avec Peter Baumann de Tangerine Dream aussi, et qui est peut-être plus connu que Asmus Chechens, mais beaucoup de choses très intéressantes chez lui. Azona Rose, c'était de Residence sur Not Available Preserved Edition. Bon, dans une réédition complète et remasterisée des disques des Residence. Alors, Jean-Philippe Léza, en fait, il m'avouait tout à l'heure que tout ce qui lui manque, c'est un T-shirt. Et voilà. Alors, si vous avez un T-shirt des Residence, ben, nous sommes preneurs. Days Like They Were Before, c'est Tomaga sur un album qui s'appelle Futura Grotesque de 2014. C'est très bon, Tomaga. On retrouve Valentina Magaletti qui fait les percussions, les sons et tout ce qui est rythme. Et elle est accompagnée de... excusez, je cherche le nom de l'autre ami. Où es-tu, l'autre ami? Tout à coup, il a comme disparu. Tom Relling. Voilà, j'avais peur qu'il soit vraiment disparu pour toujours. Et nous avons terminé avec Schlampetzeger, What I Got, sur Damien Bartlick of Pregnant Hill de 2018. Un drôle de type, Schlampetzeger, qui s'amuse beaucoup à faire du minimalisme avec une voix un peu approximative par moment. Ce n'est pas réellement un chanteur. Je suis allé voir des critiques de disques. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. mais il y a beaucoup de bons trucs à sortir de ça. Puis nous, on aime ça. Bon, ça leur apprendra, ceux qui n'aiment pas ça. Et qu'est-ce qui reste à dire rendu là pendant que je joue The Odd Couple de Billy May and His Orchestra? Ben, tout ce qui reste à dire, c'est à la semaine prochaine.